Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Henri Charrière, alias Papillon, qui était né en 1906 dans l'Ardèche, fut envoyé au bagne de Cayenne en 1933 pour un meurtre qu'il nia toujours avoir commis. On sait que le récit qu'il fit de son histoire, dans le livre édité par Robert Laffont en 1969, empruntait beaucoup aux aventures d'autres bagnards et qu'il devait aussi quelque chose à son imagination. Toujours est-il que son immense succès lui aura valu, au début des années 70, une célébrité internationale dont il ne profita cependant pas longtemps. Malade, Papillon devait disparaître en 1973, avant même la sortie aux États-Unis et en France du film dans lequel l'autre lui-même de sa biographie très romancée était incarné par Steve McQueen. Entre-temps, il avait joué aux côtés de Claudia Cardinale dans un film de Jean Herman, Popsy Pop, dont il avait aussi co-signé le scénario. Une histoire de pure fiction, mais nourrie des années qu'il avait passées au Venezuela après son évasion du bagne de Guyane. Ce film, il l'évoquait en 1971 sur France Culture, en réagissant aux mots que lui soumettait Pierre Lost. C'était par exemple à justice, argent, érotisme, cinéma, avocat, liberté et gloire que répondait le très haut en couleur Henri Charrière, qui repose près de sa mère dans son Ardèche natale. Les mots-clés avec Henri Charrière, une émission diffusée la première fois le 29 mars 1971. Sur France Culture. Tell me who in Caracas is your shock. It's Pop, see Pop, see Pop. Tell me who in Caracas is your dream. It's Pop. Je vous remercie, Henri Charrière, puisque vous voulez bien participer à notre émission Les mots-clés. Vous connaissez la règle du jeu. Afin de tenter de vous connaître mieux, je vais vous offrir, en un désordre calculé, un certain nombre de mots et de noms, et je vous demanderai de nous dire ce que chacun d'eux évoque immédiatement dans votre esprit. Vous y êtes. Voici le premier mot. L'enfance. C'est une chose merveilleuse, mon enfance. Mon père, ma mère étaient instituteurs, comme vous savez, dans un village de l'Ardèche. Un nid chaud. Beaucoup de douceur, de calme. Dans un petit poste de Ussel, à côté d'Aubenas, où les deux avaient un poste double. Mon enfance n'a pas eu aucun choc jusqu'à l'âge de 11 ans, où malheureusement j'ai perdu ma mère. Et ça, pour moi, ça a été horrible. Et c'est de là, d'ailleurs, qu'est venue mon espèce d'agressivité. Parce que je ne comprenais pas la mort. À 11 ans, non seulement on ne comprend pas la mort, mais on ne l'accepte pas. La justice. Il n'y en a pas. Les hommes ont un système qu'ils appellent la justice. Mais la justice est faite pour supprimer tout ce que gêne les classes dominantes. La justice ne cherche pas à récupérer l'homme. Elle cherche à éliminer. C'est sur ça que je proteste et que je protesterai toujours. Et c'est sur ça que j'appelle, quand je parle, la sensibilité des hommes du peuple français qui sont nobles et bons. On ne tue pas un chien parce qu'il vous a mordu. On le rééduque. Et je crois que ceux qui attaquent la société, on ne doit pas l'éliminer, ni lui mettre à son dossier, comme les juifs, une étoile jaune, pour que toute sa vie, il traîne un délit qu'il a commis et qu'au lieu de l'appeler à réincorporer à la société, on le rejette et on en fasse un criminel invétéré. Il y a deux systèmes qui peuvent être pris, le système d'élimination et le système de rédemption, c'est-à-dire d'être son associé pour cultiver ce qu'il y a de bien en lui et son associé pour tuer ce qu'il y a de mal en lui. Ça, c'est véritablement, je crois, l'idéal d'une société aussi noble sur d'autres points que la France. Émile Zola. Je connais à peu près rien d'Émile Zola par la religieuse. L'argent. C'est rien, l'argent, c'est de la merde. L'argent ne sert que d'être libre, de pouvoir voyager, et particulièrement confortablement, et de connaître d'autres mondes, d'autres gens. La chose la plus importante qu'il y a dans la vie, c'est les contacts humains. Non pas par classe sociale à laquelle ils appartiennent, mais du plus petit, du plus humble, du plus misérable, du plus repoussé, le plus abandonné par la société, aux sphères privilégiées. En visitant les sphères privilégiées, quand, comme moi, on vient de très bas, on arrive dans un monde nouveau. On voit ce que c'est qu'une star, on voit ce que c'est qu'un millionnaire. Mais dans la vie intime, c'est excessivement intéressant parce que on se rend compte combien une classe sociale est détachée des problèmes que tous les hommes ont à résoudre pour pouvoir arriver à vivre à peu près normalement. Henri Charrière, le soleil. Le soleil, le vent, la pluie, la neige, la nature en soi, c'est ce que malheureusement notre civilisation a oublié. L'homme vit dans une espèce de mécanisme où il est réduit à être une roue d'une immense machine qui le broie. Il vit avec la distance et le temps. Avec deux mesures de distance et de temps, on n'a pas le temps de penser, on n'a pas le temps d'aimer, on n'a pas le temps de se connaître, on n'a pas le temps de respirer, on n'a pas le temps de prendre le soleil, le vent, la pluie, la neige, la mer avec son sable doré, à moins qu'on appartienne justement à une classe sociale qui, eux, n'ont pas à attendre leurs vacances, mais qui prennent les vacances quand ils le veulent. L'humour. L'humour. Quelquefois, avec l'humour, on passe des moments agréables, mais quelquefois avec l'humour, c'est une manière civilisée de tuer les gens. On peut très bien, avec humour, diriger d'une façon destructive, arriver à complètement changer une véritable image d'un être qui pourtant a une valeur personnelle vraie. L'érotisme. L'érotisme, ça nous choque un peu, nous les hommes de 60 ans, parce que nous n'avons pas été habitués. L'érotisme, en somme, c'est le sexe étalé. Mais pourquoi avoir peur du sexe? Parce que Dieu nous a donné le sexe pour commencer l'acte de vie. Et quand le sexe disparaît, il disparaît peut-être la chose la plus belle qu'il y a dans l'homme, qui est le sexe. L'argot. L'argot, c'est une façon peu académique de préciser une chose avec une telle force qu'au lieu d'être une caresse, c'est une gifle. On sent beaucoup plus une gifle qu'une caresse. Le cinéma. Le cinéma, c'est la jungle. Le cinéma, c'est la bataille des trusts contre les indépendants. Les trusts, les grosses compagnies, veulent que le public d'un pays leur appartienne. Et vous allez voir certainement le phénomène que ce film, qui est un très bon film, Popsy Pop, va être critiqué par toutes les critiques. Parce que les producteurs sont des indépendants qui arrivent avec quelque chose de nouveau. Et alors là, il y a autre chose encore. Il y a l'envie. Et il y a aussi le danger que Papillon revient. Papillon, par son livre, Papillon, par ses émissions de radio, a accentué le divorce qu'il y a entre le peuple français, sa justice, sa police et son appareil de punition, c'est-à-dire les prisons. Papillon dit qu'on n'a pas le droit de faire traîner toute sa vie à un homme un délit qu'il a commis, comme les Juifs portaient l'étoile jaune au temps des nazis. Papillon dit qu'un pays ne peut pas avoir une loi d'interdiction de séjour, puisqu'en déplaçant un homme de la partie démographique où il a toujours vécu, on le coupe de ses relations, des gens qui l'ont connu et qui pourraient l'aider à se réincorporer à la société. On l'envoie, par exemple, un type de Lille, on l'envoie dans le Midi. S'il arrive à Montélimar, on se demande immédiatement quelqu'un qui n'a pas le même accent, qui n'a pas la même forme de vivre, qui n'a pas les mêmes coutumes, on voit que c'est un déraciné. Et on se demande pourquoi il est là, ce déraciné. Et très vite, on sait qu'il porte dans sa poche un petit carnet et qu'il est obligé d'aller faire signer tous les 8 jours sa présence à Montélimar à la gendarmerie. La vie pour lui est impossible. C'est un étranger dans le pays, il porte la marque d'être taré puisqu'il sort de prison. Hein, on lui fait des manifestations constantes à tous les moments d'antipathie. On lui rend donc la vie impossible. Qu'est-ce qu'il fait, cet homme? Il part. Et où il va? Là où il a vécu. C'est-à-dire, là où il est défendu d'aller. Mais comme il ne peut pas y vivre légalement, il vit dans l'illégalité. Et comme il vit dans l'illégalité, il recontinue. Il recommence à faire des délits. C'est-à-dire que l'interdiction de séjour n'est ni plus ni moins qu'une fabrique de délinquants. Nous avons aussi la relègue. La chose la plus extraordinairement barbare qu'il peut y avoir. Puisqu'un homme, après avoir fait la peine qu'on lui a infligée, peut, par exemple, pour avoir volé 4 ou 5 fois des lapins ou des poules, ou ne pas dans tous ces petits vols mal faits, puisque c'est un mauvais voleur qui va à la relégation, hein, être envoyé pour 5 ans, ou pour peut-être plus longtemps, à Saint-Martin-de-Ré. La relégation, c'est une chose barbare. Le cas de Papillon au cinéma, ça ennuie beaucoup de gens. Parce qu'on croyait qu'on allait être tranquille, et Papillon revient à l'écran. Mais il ne revient pas à l'écran pour vaincre encore. Il revient à l'écran en apportant quelque chose de nouveau. C'est plus des attaques armées avec des chapeaux baissés, des histoires de milieu. Au fond du film, il y a des êtres. C'est pas seulement l'aventure racontée par Papillon, des 3 aventuriers et d'une aventurière. Mais on voit des hommes et des problèmes sociaux. Il n'y a pas seulement des gens qui cherchent des diamants hein, parce qu'ils aiment être riches demain. Il y a aussi ceux qui, avant, creusaient des tranchées dans les villes pour mettre des tuyaux de gaz ou des tuyaux d'électricité ou des tuyaux de téléphone, mais qui gagnaient qu'une misère, et dans un pays qui n'a pas d'industrie, et eux, n'ayant pas de métier, hein, étaient désespérés, vivaient dans une communauté de 14 personnes dans un qu'on appelle un rancho, c'est-à-dire ce qu'on appelle les favelas au Brésil, hein, des taudis, où il y a 14 personnes dans 20 mètres carrés. Et alors, il y a ces hommes qui sont tellement magnifiques, ces désespérés de cette classe sociale qui vit d'une façon infrahumaine, qui vont dans cet enfer qui est la recherche du diamant, hein, du soleil à soleil, par sacrifice. Parce qu'ils vont toujours trouver, ils le savent, eux, qu'ils ne vont pas faire fortune. Et que celui qui va faire fortune, c'est un élu. Sur des milliers, il n'y a pas plus de possibilité de faire fortune en cherchant du diamant que d'être celui qui est le réélu pour gagner à la loterie nationale. Mais lui, il y va Parce que tous les jours, il va trouver 30, 40 ou 50 dollars de petits diamants au prix d'un sacrifice inouï, au point de cette flamme intérieure qu'il a, de changer la vie de sa famille, de les sortir de ces ranchs où ils vivent d'une façon infrahumaine, hein, et lui, il va pouvoir les habiller, donner des souilles à ses gosses, que la femme, au lieu d'avoir une seule pièce pour vivre tous ensemble, va en avoir deux ou trois, c'est-à-dire de les mettre le pied sur un escalier, hein, pour que eux, au moins, comme résultat de son sacrifice, sortent de cette situation désespérée. Et ça, ça emmerde. Ça emmerde parce que c'est un film qui sort de l'ordinaire. C'est un film qui vous envoie dans d'autres images qu'on a préfabriquées, qu'on veut imposer au public. Il faut aller voir des types de films. Des voyous, des histoires du milieu, toujours avec le revolver, les mêmes histoires. Or, Papillon, il arrive, il dérange tout, ce mec. D'autre part, en même temps, il donne l'occasion à des jeunes de dire « Mais moi aussi, je vais aller chercher du diamant. » Puisque ça existe, ils ne savaient pas que ça existe. C'est la ruée vers l'or tournée sur les lieux. Et peut-être que demain, des quantités de gens iront par avion, ou s'ils peuvent pas, ils iront par bateau, hein, jusqu'au Venezuela, pour eux aussi jouer une aventure. Et ça emmerde beaucoup. C'est pour ça que moi, je n'attends aucune critique bonne de mon film. La mer, M-E-R. La mer. La mer, c'est peut-être la chose la plus prenante avec la brousse. Parce que dans la mer seulement, surtout si vous n'avez pas de moteur, et que vous voguez avec le vent et des voiles, vous vous sentez vraiment libre. La mer, il n'y a pas d'encombrement. La mer, il n'y a pas de policiers. La mer, quand vous êtes au large, c'est vous et Dieu. Si Dieu existe, mais il faut y croire un peu. Victor Hugo. De Victor Hugo, je dois vous dire que je n'ai à peu près rien lu. Mais j'ai lu des extraits de Victor Hugo, comme tout le monde. Je dois vous dire qu'il y a eu une grande erreur pour certaines personnes qui ont expliqué particulièrement dans Le Dieu de Papillon, le seul livre net qui a été fait sur Papillon. Parce qu'il y en a eu deux autres qui étaient provoqués et qui étaient nécessaires aux gens que j'avais attaqués, aux classes sociales et au système que j'avais été attaqué, pour se justifier. Tout au moins, en m'attaquant, diminuer ou essayer de diminuer ces vérités en donnant le doute. Alors, il y a un livre qu'on appelle « Le Dieu de Papillon » qui est édité par Mann, par deux théologues, qui, eux, analysent Papillon d'une façon saine, honnête, et particulièrement le côté psychologique de Papillon. Ils font même une comparaison avec la Bible, d'ailleurs. C'est curieux, vous ne l'avez pas lu, ce livre ? Non, je ne l'ai pas lu. Il faut l'acheter. Mais je vais le lire. C'est sûr qu'il faut l'acheter. Et alors, dans ce livre, on vous parle, et on dit une erreur, d'ailleurs, sans le vouloir, que j'ai dû être influencé par les lectures que j'ai eu le temps de lire en prison. On oublie qu'en 1930, il n'y avait pas de lecture en prison. On pouvait lire un peu à la santé, parce qu'on pouvait avoir des livres dans la bibliothèque, hein, de temps en temps, et on pouvait même en acheter. Mais une fois la santé, c'est-à-dire Beaulieu, Caen, après les travaux forcés, plus un livre. Aux travaux forcés, il n'y avait pas de bibliothèque. Il n'y a jamais eu de bibliothèque aux travaux forcés. Alors, ce qui fait que dans mon livre, il n'y a aucune influence de Victor Hugo ou de Jean Valjean. On est arrivé à dire, justement, que peut-être j'avais été influencé. Seulement, malheureusement, pour le critique, c'est que mon évêque à moi, il existe tellement que sa tombe de Monseigneur Irénée de Bruyne, puisqu'il est mort depuis, existe à Curaçao. Qu'il y a encore des sœurs qui ont mon âge et qui étaient à ce moment-là au couvent des sœurs des pauvres qui sont venues me voir à la prison de Curaçao. C'est exactement comme un des reporters de Papillon épinglé qui nie l'existence de Master Bowen, l'avocat qui m'a aidé à Trinidad et qui a été pourtant retrouvé par ces gars-là et retrouvé par Paris Match avec qui je me suis fait photographier. Victor Hugo, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de Victor Hugo? Je le connais à peu près pas. Henri Charrière, la femme. La femme, c'est le complément d'un homme. On ne peut pas être complet si on n'a pas une femme. Mais il faut que cette femme, avant tout, soit la meilleure amie de cet homme. Il faut surtout que, entre l'homme et la femme, dans leur nid, il y ait une parfaite franchise. Parce que si on commence à faire des cachotteries, à avoir des rendez-vous clandestins avec notre fille, ou à avoir à se cacher pour prendre quelques heures de liberté, à ce moment-là, il y a quelque chose qui peu à peu sort à la surface. Et de là, les ménages brisés. Il y a des femmes exigeantes à un tel point que l'homme doit avoir une présence constante à côté d'elle. C'est un défaut de ces femmes de croire que le bonheur, c'est ça. Parce qu'à ce moment-là, l'homme se sent comme prisonnier. Et même quand il est au café, sachant qu'en rentrant chez lui, il va avoir un problème, il n'est pas heureux. Mais aussi, c'est un mauvais calcul. Parce que sachant aussi qu'en rentrant chez lui, il va avoir un problème parce qu'il a resté trop longtemps au café, alors il n'ose plus rentrer. Et il reste encore plus. C'est-à-dire qu'il retarde le moment désagréable. Une femme doit être toujours gaie, le plus possible, et surtout de faire sentir à son homme que là où il est le mieux, c'est chez lui. L'avocat. L'avocat, c'est un type spécial. L'avocat jongle avec les mots et avec une façon un peu théâtrale, arrive à, par justement son habileté, à détruire ce qui est. Mais il passe d'une façon trop facile à la défense comme à l'accusation. Un avocat, pour moi, jamais ne devrait se substituer en partie civile à la société. Parce que d'abord, quand il a été fait comme avocat, quand on l'a nommé avocat, quand il a reçu le titre d'avocat, il a fait un serment. Et dans son serment, on ne dit pas qu'un jour il doit attaquer quelqu'un. On dit, tu défendras toujours la veuve et l'orphelin. Juré de défendre toujours la veuve et l'orphelin. Ce qui fait que je vois très mal qu'un avocat soit partie civile et qu'il se substitue à l'avocat général, c'est-à-dire au magistrat debout. La liberté. La liberté, c'est d'abord avoir en soi le sentiment de cette liberté, c'est-à-dire la flamme qui permet à un homme, où qu'il soit, avec qui il soit, de s'évader. Ni les fers, ni les grilles, ni les systèmes peuvent empêcher un homme d'avoir une liberté intérieure. La liberté physique est difficile. Nous avons fracassé dans nos deux systèmes. Les jeunes ne sont plus partants pour un idéal politique déterminé. Ils n'existent pas. Les démocraties ou les dictatures ont fracassé pour le bonheur de l'homme. Et les partis extrême gauche, communisme, a fracassé aussi pour la liberté et le bonheur de l'homme. C'est pour ça que les jeunes cherchent une troisième façon de vivre. Ils ont raison. La trouveront-ils? Je n'en sais rien. La pédérastie. Ça, c'est difficile. Parce que, psychologiquement, il faut arriver à rechercher le pourquoi quelqu'un est pédéraste. Ça peut être une déficience d'hormones. C'est-à-dire qu'il peut avoir un physique masculin et avoir des hormones féminines. À ce moment-là, il a le droit d'être pédéraste. Mais la pédérastie, au fond, ne gêne personne s'il n'y a pas d'étalage de pédérastie. Comme c'est anormal d'être pédéraste, malgré toutes les justifications médicales qu'il peut y avoir, je crois que la pédérastie est acceptable à une seule condition, c'est qu'on ne l'étale pas. Parce que ça a l'air d'une espèce d'exhibitionnisme. Et toujours l'exhibitionnisme n'a pas une valeur réelle et critiquable. Le risque. Le risque pour certains êtres, c'est un besoin. Par exemple, moi, j'ai toujours du risque. J'aime le risque. Je savais à l'avance qu'en faisant ce film, j'allais heurter des intérêts. Je savais à l'avance qu'en faisant ce film, j'allais ennuyer beaucoup de gens. Particulièrement, comme je vous explique, les administrations dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc c'est un risque. Eh bien, j'ai joué ce risque à fond et j'en suis content. Et je suis certain que le public réactionnera en disant non, nous ne voulons pas être des moutons. Nous ne voulons pas qu'on nous impose ce que nous devons voir. Nous irons voir Popsy Pop. Santiago, mon cœur en a changé de place avant de vivre à Caracas. Tell me who is jumping to the top. It's Pop, la gloire. La gloire amène plus de désavantages que d'avantages. Parce que la gloire avec elle traîne les envieux, traîne les méchants, traîne la boue, les poux. Parce qu'il y a aussi les poux de la gloire. Quand, par exemple, un type écrit Papillon l'épinglé, c'est le poux d'un résultat inattendu d'un livre. Et il dit 5% au moins seront curieux de savoir ce qu'on dit contre ce livre. C'est pas un mauvais calcul. S'il en a vendu 1 million, j'en ferai 50 000. Et 50 000 exemplaires, pour quelqu'un qui n'a jamais vendu plus de 4 000, pour lui, c'est un résultat inattendu et inespéré. Et comme il est poux, il est né poux, il vivra poux, il sera toujours poux, il se gorge gratuitement et facilement. La brousse. La brousse, c'est comme la mer. La brousse, vous sentez peut-être encore plus homme en brousse qu'en mer. Parce qu'en mer, à un moment donné, vous êtes ni plus ni moins qu'une fourmi sur un bout de paille. Si ce bateau n'est pas un bateau conditionné pour ne jamais sombrer. Mais la brousse, on se sent un homme en raison qu'on a sa propre vie en ses mains. Autour de la brousse, Et dans la brousse, il y a tout. Il y a la fièvre, il y a les moustiques, il y a la vase mouvante, il y a les serpents. Il y a... Parce que les plus gros ennemis que vous avez en brousse, c'est pas du tout le lion, comme on l'a dit. C'est le serpent, c'est la vase, c'est les moustiques, c'est les tiques. C'est tout ce que forme la pourriture à base même de cette végétation extraordinaire, hein, qui fait une voûte verte dans laquelle vous sentez un homme qui, à chaque pas, doit être en éveil. Les fromages. Ben, il y a des fromages, il y a les fromages de l'Ardèche qui sont d'ailleurs très bons, les fromages de chèvre. Et puis, il y a les fromages qui, en raison qu'ils ont fait leur trou dans le fromage de la société, se trouvent très bien. Ils veulent surtout conserver ce fromage. Ils s'en foutent des déshérités de la vie. Ils s'en foutent que des gens trop vite, que des gens trop vite ont été éliminés parce qu'ils étaient des perturbateurs. Ils s'en foutent que des gens disent, ma foi, on pourrait trouver une autre façon de vivre. Eux, ils sont dans le fromage. Et ils ne veulent pas que ce fromage, on leur enlève. Alors, ils défendent ce fromage. Mais eux-mêmes sont fromage. Parce qu'ils pensent comme le fromage dans lequel ils ont fait ou leur nid pour se retirer, ou tout au moins, où ils ont cru avoir le droit, par la vie qu'ils ont eue, de continuer à vivre en attendant de mourir. Le fromage, c'est le mec qui n'a pas d'horizon. Le fromage, c'est celui qui ramène à lui tous les autres types d'hommes. Et qui voudrait que tous les autres types d'hommes lui ressemblent, qui marchent au même pas, qui respirent à la même cadence, qu'ils arrivent au bureau à la même heure, qu'ils prennent le même métro, les mêmes vacances, aux mêmes endroits, au même moment, et que ce système où eux sont installés dans ce fromage dure toute la vie. Le Venezuela. Le ciel. Le ciel, parce que c'est un pays sous-développé. Le ciel, parce que poursuivi par toutes les polices du monde, ils m'ont ouvert les bras. Le ciel, parce qu'on a le temps de parler. On a le temps de dire demain tu me parles d'une affaire, ou après-demain. On a le temps d'arriver en retard. Tout le monde se pardonne d'être arrivé en retard à un rendez-vous. Le ciel, pour 75% des gens, et une vie d'homme infrahumaine de 25% des gens. Et c'est pour ça que je vais écrire, après avoir écrit Papillon fait surface, un livre social qu'on appellera L'inceste pain quotidien. Et donc, si vous voulez, je vais vous dire les 5 premières phrases. Je suis le résultat du dernier spasme de deux sexes accouplés. Et sans savoir pourquoi, j'ai été choisi comme l'unique protozoaire qui a pu pénétrer jusque dans le ventre de sa mère. Elle ne sait pas que j'existe. Elle va le savoir que lorsque les règles ne vont pas lui venir. Alors elle va dire, j'ai quelqu'un à moi. Et pourtant, déjà depuis plusieurs jours, je vis et je bats au même rythme que son cœur. Plus tard, je crois naître un jour, je m'appellerai Yolande. Ma mère n'est pas très sûre que je suis le résultat d'un acte sexuel avec l'homme qui vit avec elle. Parce que ça peut être aussi son fils aîné. Tout le monde à la maison dort dans le même lit et il n'y a pas de lumière quand la lune ne sort pas. Ma mère dit que sa hutte est une maison. Moi, je sais avant de naître que ce rancho est une cabane à lapins où 14 personnes vivent dans 20 mètres carrés. Ma mère, bien souvent, va chercher un franc pour pouvoir prendre l'autobus et descendre de sa petite montagne où elle a notre maison jusqu'à la ville pour, après de longues queues et de longues attentes, obtenir un peu de vitamine, car elle a décidé de me faire à peu près complète. Mais si je suis mendiante avant de naître, si à travers la main de ma mère, je demande l'aumône avant de sortir vivante au soleil, qu'est-ce que je peux attendre de l'avenir ? Le hasard. Le hasard, il fait bien des choses. Mais je crois que quand on dit à cause du hasard, j'ai eu de la chance, c'est une erreur. Le hasard fait que s'il y a quelque chose en vous, peut provoquer effectivement la chance. Mais au départ, le hasard est un facteur positif que si vous avez la patte d'apporter quelque chose, pour que la chance se cristallise. L'âme. L'âme. L'âme, c'est le tuf d'un homme. Et dans le tuf d'un homme, il y a cet homme. L'âme, c'est ce qui ressort de ce que peut-être vous avez oublié. C'est que quand vous êtes né, vous étiez une éponge sèche. Et qui est-ce qui remplit cette éponge sèche du subconscient ? Le nid. Qui est dans le nid ? Le père, la mère, la grand-mère, les sœurs, les petits frères, les tantes, les oncles. L'âme, c'est ces tiroirs de votre esprit, de votre cerveau, de votre subconscient que vous avez rempli dans les premiers pas où vous pouviez absorber quelque chose. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se disputer devant les enfants. Alors l'âme, après, malgré qu'on s'appelle par exemple papillon, mais mon âme est pleine de la noblesse, de la douceur, de la tendresse, de la poésie, de la compréhension, de l'humanisme, du sacrifice de ma mère. Mais après, on sort dans notre sphère, dans ses premiers contacts à quelque chose qui n'est pas le nid, et où il devient une deuxième personnalité. Mais l'âme, étant à la base même de ce que ce tuf qu'a fabriqué l'homme, est éternelle, elle ne bouge pas. La drogue. La drogue, c'est pour des gens insatisfaits de la façon qu'ils vivent, la recherche de la paix qu'ils ne trouvent pas dans notre société. La drogue, c'est l'évasion pour ceux qui ne veulent pas lutter pour trouver autre chose que ce qu'on leur a donné. La drogue, c'est aussi quelquefois le complément d'un défaut d'expérience sexuelle ou peut-être de connaissance sexuelle. Parce que la drogue tue le sexe. Mais, chose paradoxale, bien des gens prennent de la drogue justement parce qu'ils ne sont pas satisfaits sexuellement. Ces voyages, que ce soit l'acide, que ce soit la marijuana, que ce soit n'importe quel stupéfiant, ces voyages, peu à peu, font que cet homme n'est plus sur Terre. Que les moments où il n'est pas dopé. Mais quand il n'est pas dopé, il se passe le phénomène qu'il est tellement malheureux qu'il retourne à rechercher ce paradis artificiel qui lui donne la paix et en même temps certaines joies d'image qu'il ne peut trouver que dans la drogue. L'Académie française. Moi, je suis un pauvre type, je ne suis pas un homme à pouvoir juger l'académicien. Mais j'ai peur que dans les académiciens, il y ait plutôt la recherche du chant des belles phrases, du chant des beaux mots écrits, additionnés l'un à l'autre, qui fait que bien des livres académiciens servent de ventilateur quand on a trop chaud, ou de hamac quand on est fatigué. J'appelle ça se masturber littérairement. Il y a des gens d'une classe privilégiée, de gens qui ont fait des études, qui appartiennent à une certaine classe sociale, qui eux ont besoin de ça. C'est un besoin parce que la littérature, pour eux, avant tout, c'est de savoir bien écrire. Or, comme c'est bien écrit. Mais écrire. Écrire, c'est peindre quelque chose. Ces hommes et les lieux où ces hommes évoluent. Et alors pourquoi ce serait écrit que simplement pour certaines personnes qui ont une éducation supérieure? Est-ce qu'il n'a pas le droit? L'homme de la rue, le chauffeur de taxi, est-ce qu'il n'a pas le droit? La petite mécanographe, est-ce qu'elle n'a pas le droit? La bonne d'une maison a aussi voyagé, a aussi connaître autre chose que ce qu'elle a autour d'elle, et être émue, ou intéressée, ou dégoûtée. Cela dépend ses réactions, mais tout au moins intéressée. Au point que lorsqu'elle a un livre dans les mains, elle oublie ce qu'elle est, et particulièrement si ce livre est écrit avec confiance un jour dans la vie, en surmontant des situations difficiles, ça lui apporte le tonus nécessaire à elle-même ou à lui-même pour supérer des situations qu'il est en train de vivre et où il avait besoin de ce tonus pour pouvoir les surmonter. Ce qui fait que le livre est positif. On a beau dire qu'il n'est pas écrit littérairement, que c'est une écriture orale, on peut dire ce qu'on veut. À l'heure actuelle, Papillon a été vendu dans le monde 14 millions d'exemplaires. Il faut considérer qu'un livre est lu par 5 personnes. Ce qui fait qu'il y a 70 millions de personnes, dont certainement 65 n'ont jamais été à l'université. Et qui ont lu ce livre, et qui se sont intéressés à lui, et qui demandent la suite. C'est ça qui compte. Le milieu. Le milieu actuel, je ne le connais pas. Le milieu actuel, je ne le connais pas, parce que ce sont des gens de notre âge qui ont vécu d'autres situations, où la guerre a apporté beaucoup de son poids. Ce qui fait que le milieu actuel, je ne peux pas en parler. Le milieu ancien, avec ses lois, qu'on respectait, avait surtout le respect de la parole donnée et avait le sens de l'amitié poussé à l'extrême. La mort. On vient de la terre. On va à la terre. La vie vient de la terre. Du grain que vous semez, au protozoaire qui rentre dans le ventre d'une femme. La vie, c'est le sexe, et qui vient de la terre. Tout a sexe. De la fleur a du sexe, sauf les pierres n'ont pas de sexe. Mais tout ce qui vit a sexe. À un moment donné, cet être qui a été fabriqué par le sexe et qui vient de la terre, se décompose, peu à peu. Il perd non seulement sa force physique, mais sa force morale. À un moment donné, s'il vivait trop longtemps, ce serait un embarras pour tout le monde, pour lui-même et pour les sociétés. Il est donc bien qu'on disparaisse. Maintenant, heureux sont ceux qui croient. Bienheureux ceux qui supposent qu'ils vont revivre, que ce soit réincarnation, que ce soit les gens qui croient qu'ils vont au ciel, que ceux qui descendent à l'enfer, Hein? De toute façon, celui qui a la foi meurt beaucoup plus tranquille que celui qui sait qu'il retourne à la terre, c'est-à-dire au néant. Dernière question, l'essentiel. L'essentiel de la vie, c'est d'être vrai. L'essentiel de la vie, c'est de ne pas s'arrêter aux gens qui veulent vous détruire. Au contraire, de leur faire face, de ne pas abandonner la partie, d'en recommencer une autre, et d'en recommencer une autre. Je sais que j'ennuie beaucoup de gens d'avoir fait ce film, et j'en referai un autre, parce que je les emmerderai encore plus. Mais en tout cas, je suis convaincu que ceux qui verront mon film Popsy Pop emporteront une image de pays différents que ceux qu'une société organisée de trusts veut leur imposer, comme s'ils devaient manger des spaghettis toute leur vie. C'était Henri Charrière au micro de Pierre Lost dans Les mots-clés, une émission diffusée la première fois le 29 mars 1971 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.